Bonjour et bienvenue pour la leçon d'aujourd'hui. On va avoir besoin de quelque chose qui est pour la tête, pour être confortable, qu'on est allongé sur le côté. On prend quelque chose qui un coussin ou de un coussin qui est plat ou une petite couverture qui est bien pliée ou une serviette. Pour être confortable quand vous êtes allongé sur le côté. Et allongez-vous sur le dos. Et de prendre un moment sur le dos de juste. Vous faites les petits mouvements nécessaires pour vous reposer, pour trouver votre position de départ. Et posez votre attention sur la jambe droite. Portez votre attention sur le contact avec le sol de la jambe droite. Quelle partie des talons touche le sol? La qualité du contact avec la jambe droite. Jusqu'aux hanches, notez au niveau des hanches, la qualité des contacts, dans quelque sens la position du bassin. Et de poser votre attention sur la jambe gauche. Quelle partie touche, la qualité de sensation interne. Et note la différence entre le côté gauche et droite. Peut-être qu'il y a une jambe qui semble être plus longue que l'autre, un qui est plus étalé ou plus tôt. Rotation extérieure, intérieure. Peut-être l'espace derrière le genou est différent. Ou derrière le cheville. Et jusqu'aux hanches gauches. Et quel fessier ou quel côté du bassin est plus proche du sol? Et peut-être il y a un qui est plutôt plus proche du sol, un côté de la bas du dos qui est plus proche du sol aussi peut-être. Mais potentiellement aussi une autre différence, c'est le fait que sur un côté, il semble que le bassin ou la hanche est plus loin de la tête. Il est plutôt, c'est comme il allait un peu plus dans la direction des pieds. Et les autres côtés de la hanche, les autres côtés du bassin est plus proche de la tête. C'est une sorte de flexion latérale. Et notez quelle partie de le dos est en contact avec le sol et l'espace entre le bas du dos et le sol, c'est un espace. Et encore, quelle épaule est plus proche de le sol? Sans prendre un petit moment avec l'épaule droite. Il y a l'omoplate et après il y a l'épaule qui fait partie. L'omoplate, dans quelque sens, elle fait partie de l'épaule, mais aussi il y a l'articulation entre l'omoplate et le bras, le long os du haut du bras. Peut-être qu'il y a une différence dans les sensations de ce côté-là, le droite et le gauche. L'épaule gauche. Un côté plus étalé, plus proche du sol. Et entre les deux épaules, est-ce qu'il y a un qui est plus proche de la tête? Est-ce que la distance entre l'épaule gauche et l'oreille gauche est plus ou moins longue que la distance entre le épaule droite et l'oreille droite. Et notez la manière que vous avez posé vos deux bras au sol. Le contact avec la tête. Et le mouvement de respiration. Et de laisser ça et d'allonger-vous sur votre côté droit. Et je vais vous dire déjà qu'on va passer un moment sur le côté droit et on va mettre en mouvement plutôt le côté gauche pour un moment, on peut dire. Et si vous savez que c'est beaucoup plus confortable pour vous d'allonger sur les autres côtés, soit parce que c'est juste plus confortable d'être en contact avec le sol avec les autres côtés, ou la mobilisation de l'épaule et la hanche sur le côté gauche va être moins évident pour vous que le côté droit. Vous pouvez changer toutes les directions que je donne. Tu vois, d'inverse l'ordre de la leçon. Mais si c'est confortable pour vous d'allonger sur votre côté droit. Vous pouvez utiliser les coussins pour la tête. Et quand vous êtes bien installé sur votre côté droit, d'avoir les jambes pliées légèrement, au moins, pour être un peu plus stable, et de poser votre bras gauche along le corps, sur le corps, donc sur le côté gauche, quoi qu'il est, sur la hanche plus ou moins, de poser les bras, pas forcément droit, confortable pour vous. Et avec votre épaule gauche, amenez votre épaule gauche vers l'arrière. Un petit peu. et après revenir au point de départ. Donc la omoplate glisse un petit peu, l'épaule gauche aller vers derrière, amenez-la vers derrière, vers l'arrière. C'est pas un grand mouvement. C'est possible qu'il y ait une petite rotation aussi dans les côtes, que la tête roule un petit peu, mais on ne va pas aller vraiment vers le, d'être allongé sur le dos, pas du tout. On reste vraiment sur le côté. Le bassin reste plus ou moins où il est. Une jambe sur les hautes. Donc on allait un peu vers, amener l'épaule vers l'arrière et de revenir au milieu. Ok. Prendre une petite pause. Maintenant, d'amener l'épaule vers l'avant. Avancez l'épaule un petit peu. Et reviens au milieu. C'est presque comme on avance et on revient tout seul. Presque. Dans le sens que on avance et on revient. Et dans ce mouvement, on a le mouvement de l'omoplate, l'épaule qui glisse un peu sur les côtes. Et peut-être on a un petit mouvement de rouler les côtes. Mais c'est tout petit. Peut-être la tête va rouler un petit peu aussi. Mais ce n'est pas comme nous envie d'aller allonger sur le ventre. Et c'est à vous de voir si vous voulez vraiment différencier le mouvement entre l'épaule et les côtes ou la rotation dans les côtes. Vous pouvez voir pour vous quel mouvement vous faites. Prendre une pause. Et maintenant, de faire les deux mouvements avec l'épaule, de amener l'épaule vers l'arrière et après passe par l'endroit neutre, on peut dire, et de l'avancer. Un mouvement tout doux, confortable, continu, lente. Et prendre une pause et Allongez-vous sur le dos. Sans votre contact avec les deux épaules, les deux côtés de vous. La manière que les deux bras sont posés au sol, les deux hanches. Et le mouvement de respiration. Juste pour noter si les effets juste de cette petite intervention, ce petit moment d'exploration. Et de nouveau, allongez-vous sur votre côté droit. Repose votre bras en long de corps sur la hanche et de commencer de faire un mouvement. Et le bras peut être un peu, c'est pas forcément droite, il peut être légèrement plié, confortable avec les coudes, juste posé sur vous, sur votre côté. Et de faire un mouvement de monter un petit peu l'épaule vers la tête et de redescendre en position de départ. On le monte et on redescend. Donc, il allait vers la tête et il revient. Minimum d'effort nécessaire pour ce mouvement. Pas un grand mouvement. Peut-être une note, l'effort que ça fait dans les cervicales. Même si la tête reste tranquille au sol. Prendre une petite pause. Et maintenant de commencer de faire un mouvement dans les autres directions, de descendre l'épaule vers la hanche. On glisse l'épaule vers la hanche. Et on revient. Ok, on va prendre une pause. Sans le mouvement de respiration. maintenant de faire le mouvement de l'épaule dans les deux directions. De la monter vers la tête et de la glisser vers la hanche. Un petit mouvement et doux. Et être particulièrement curieux de votre capacité de faire un mouvement qui est continu et lent. Et de ne pas avoir les moments quand ça saute. Parfois ça saute parce qu'il y a un engagement des muscles qui est juste très vite et très fort. Peut-être plus fort que nécessaire dans cette situation. Ou peut-être il y a une sorte de lâchement qui... des choses qui... tiens et après lâche un coup. Et on essaie le plus possible de faire un petit mouvement plutôt continu dans lequel on peut continuer de respirer. Et on a cette question dans ce mouvement, ok, vers la tête et vers la hanche, mais est-ce que ça allait vers l'oreille et quelle partie de l'oreille quand ça monte? Est-ce qu'il allait un peu vers le coin d'œil quand ça monte? Et quand ça descend vers la hanche, est-ce que ça allait plutôt vers le sacrum derrière, plus vers le pubis devant? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et vous pouvez varier légèrement la direction du mouvement vers le haut et vers le bas, avec cette idée que, ok, en fait, il y a mon tendance, mon habitude que j'exprime spontanément, et après, il y a des autres possibilités. Et prendre une petite pause, toujours allongé sur le côté. Dans les pauses, même si on reste sur le côté a priori, si vous avez besoin, vous avez toujours le droit d'allonger sur le dos, trouver une position de repos qui est confortable, juste écouter les différentes consignes et juste faire dans votre imagination. Donc, c'est important d'adapter les mouvements à votre confort de moment, à votre besoin, votre propre manière d'apprendre. Ok. Maintenant, on va commencer de faire un cercle avec l'épaule. Donc on va avancer, on amène vers l'avant, après on l'amène vers la tête, après ça on l'amène vers l'arrière et après vers l'hanche. Un petit cercle d'épaule. Et peut-être au début, le cercle, il a l'air d'être un peu plus un carré ou un rectangle ou un triangle, je ne sais pas. Peut-être il a son propre forme. Peut-être qu'il y a eu. Mais on garde l'image de faire quelque chose de circulaire. Essayer de mieux... fait notre mieux pour faire un cercle qui est circulaire. La respiration va continuer spontanément. Et je vous invite aussi de possibilité qu'il y ait les petits mouvements de la tête et des côtes aussi qui peut accompagner le mouvement d'épaule. On fait un mouvement très doux, très confortable. Et d'inverser la direction de votre cercle. Est-ce que c'est plusieurs mois circulaires dans cette direction? Est-ce que les côtes ou le dos est plus ou moins impliqué quand on change de direction? Petite cercle. Prendre une pause. Posez votre main gauche, la paume de main gauche, au sol. Donc vous êtes sur le côté droit, la paume de main gauche est au sol. Ou peut-être c'est pas forcément juste les paumes, ça dépend de chacun. Peut-être c'est juste une partie du main qui est au sol. Et de commencer de faire un cercle avec l'épaule. Maintenant, avec les mains au sol. Avant, le bras, la main était sur la hanche. Maintenant, la main au sol. Ou au sol, ça c'est un peu de vous de voir. Peut-être c'est plutôt devant la tête, peut-être c'est plutôt devant le ventre, devant la poitrine. Ça change un peu de dynamique. Peut-être les bras participent dans une autre manière dans le mouvement. Certaines parties du cercle qui peuvent être plus faciles à faire, moins faciles à faire au début. Vous pouvez inverser la direction du cercle. Et de prendre une pause et allongez-vous sur votre dos. Notez comment vous êtes sur le dos maintenant. Qu'est-ce qui a changé par rapport avec le début de leçon? Sens de différence entre les deux côtés de vous. Et de nouveau, allongez-vous. Sur votre côté droit, le même côté. pouvez poser votre bras gauche où vous voulez. Et de commencer de faire un mouvement avec votre hanche gauche, de amener vers la hanche gauche vers l'avant. Donc d'avancer légèrement la hanche gauche, le côté gauche de votre bassin. C'est-à-dire que la jambe gauche qui est sur la jambe droite, plus ou moins pliée, pas complètement droite, mais au moins pliée pour être confortable un peu, un sur l'autre. Donc, il va glisser un petit peu sur la jambe droite. On avance la hanche et on revient au milieu. Et on a vraiment l'idée que c'est la hanche, même si le bassin est mobilisé. Essayez d'identifier où est l'articulation de hanche. On avance un petit peu l'hanche. Peut-être la tête et le torse va aller un peu avec. Peut-être pas. Confortable. Vous pouvez soit poser votre bras sur la hanche, soit la main au sol, ou la main sur les autres bras. Prendre une petite pause. Sur le côté. Et maintenant de amener votre hanche vers l'arrière. Et de revenir au point de départ. Vers l'arrière et au milieu. Vers l'arrière et au milieu. Et peut-être on sent la manière que le changement des appuis au niveau de la hanche droite qui est au sol, le changement des appuis au niveau de la côte, la tête peut rouler un petit peu. Mais on reste sur le côté, ce n'est pas un mouvement de rouler sur le dos. C'est un petit mouvement vers derrière avec la hanche gauche et revient au milieu. Prendre une petite pause. Et maintenant de aller vers l'avant, amener la hanche vers l'avant et vers l'arrière. Mouvement tout doux. pouvez sentir le mouvement de respiration pendant c'est un mouvement si confortable que vous pouvez imaginer de le faire pendant 20 minutes sans souci. Peut-être même juste un mouvement presque que dans l'imagination. Au plus grand. Différentes parties de vous pour mettre en rotation ou de rouler un petit peu. Okay. Et prendre une pause sur le côté. Et maintenant de commencer de faire un mouvement vers la tête avec la hanche et après de la revenir au milieu. Donc on va aller vers la tête avec la hanche et au milieu, vers la tête et au point de départ. Vers la tête et point de départ. Prendre une petite pause. Respirez tranquillement. Et maintenant, allez vers la direction du pied avec la hanche gauche. Un peu vers le pied. Et reviennent au milieu. Et notez l'impact que ça fait au niveau de vos appuis au sol. Peut-être même la tête immobilisée légèrement. Les côtes. Confortable, on ne force pas. Un petit mouvement. Et dans les deux directions, un petit peu vers le pied et un peu vers la tête. Prendre une petite pause. Maintenant, on va commencer de faire un cercle avec la hanche gauche. Donc, on l'amène vers l'avant et après vers la tête, vers l'arrière. Vers le pied, vers l'avant. Et être particulièrement curieux de comment on peut faire un mouvement circulaire qui est vraiment confortable. Peut-être ça va mettre en motion le torse au sol un petit peu. Une respiration. et de changer de direction de le cercle. Et on a toujours cette question de la circularité de le cercle. Peut-être c'est plus facile de faire un mouvement qui est vraiment circulaire si on fait un plus petit mouvement. Et laissez ça et allongez-vous sur le dos. Sans votre contact avec le sol maintenant. Comment les deux côtés du bassin sont étalés au sol, l'espace dans le côté droite et gauche de la torse, de la poitrine, le ventre, bas du dos. Le sens de mouvement de la respiration. Et maintenant, allongez-vous de nouveau sur le côté droit. Et de poser le bras sur la hanche, sur le long de le corps. Vous pouvez changer la position des bras après si vous voulez, mais commencez comme ça. Et maintenant, de commencer de faire un mouvement avec l'épaule et la hanche. Et en même temps, on va amener l'épaule vers derrière, vers l'arrière, et le hanche, on avance, on amène vers l'avant. Donc on avance la hanche, et on amène vers l'arrière l'épaule, en même temps. Et d'être très très clair sur l'idée que c'est simultané. Pas un avant les autres. Et la tête pour rouler peut-être un petit peu vers aussi. Prendre une petite pause. Et d'amener l'épaule vers la avant et la hanche vers derrière. Et de nouveau, c'est l'idée que c'est simultané et ils reviennent simultanément aussi. Vous pouvez même faire des mini-pauses entre certaines répétitions pour être sûr que aux positions neutres vous reposez un petit peu et après d'initier un mouvement clair simultanément. On amène l'épaule vers l'avant et la hanche vers l'arrière. Une petite pause. Et maintenant de commencer de faire un mouvement avec la hanche et l'épaule. Et on va amener l'épaule vers la hanche et la hanche vers l'épaule simultanément. Ça peut être un tout petit mouvement. Et entre chaque répétition, prendre au moins un tout petit moment pour assurer que vous avez arrêté d'être dans l'action. Peut-être prendre une respiration, de mettre l'attention sur la respiration. Peut-être même juste pour une moitié d'une seconde. Mais parfois de prendre cette petite pause. Et prendre une pause. Maintenant, d'aller dans les autres directions avec l'épaule et la hanche, d'aller vers la tête avec l'épaule et la hanche vers les pieds, simultanément. Et après, ils reviennent au nut simultanément. mouvement qui est doux, qui va mobiliser les côtes, la colonne vertébrale. Mais on ne va pas aller jusqu'aux sensations que ça tire, on reste doux. Et aussi avec cette idée que ce mouvement, même s'il est petit, il peut être continu. En anglais, on dit smooth, doux. Ok, prendre une pause. Ok, et on va faire une sorte de cercle avec les deux, et on va commencer assez lentement et dans une manière assez spécifique pour comprendre. Et peut-être au début ça va pas être forcément très circulaire, mais petit à petit ça peut venir circulaire. Et pour commencer, avance un petit peu l'épaule et amenez vers l'arrière la hanche. Et de cette position, l'épaule avant, la hanche derrière, on va descendre l'épaule vers la hanche et la hanche vers l'épaule, comme on est un vers l'autre. Et après, la hanche avance et l'épaule va aller vers derrière. Et après, l'épaule va aller vers la tête et la hanche vers le pied. Et de nouveau, l'épaule va aller vers l'avant et la hanche derrière. Après, vers un vers les autres. Et après, la hanche devant, l'épaule derrière. Après, la hanche vers les pieds et l'épaule vers la tête. Et ça fait un cercle. En fait, ça fait deux cercles. Et il continue cette idée. Il fait deux cercles. Il y a les parties de le cercle quand il y a l'épaule devant, la hanche derrière. Le temps dans le cercle quand ils s'approchent, le temps quand la hanche est avant, l'épaule derrière, le temps quand ils sont plus loin de l'autre. Et ça peut être petit. Laisse leur respiration vous soutenir. Et de changer de direction de les deux cercles. Dire que maintenant l'épaule il allait vers l'avant, vers la tête, vers derrière, vers la hanche. Et en fait, ça fait comme avant, il y a deux cercles qui sont dans la même direction, mais pas dans la même phase. Et laisse ça, prendre une pause, allongez-vous sur le dos. Prendre du temps de respirer. Notez comment vous êtes au sol maintenant. Le sens de volume, de manière qu'il touche le sol, de le côté gauche et le côté droit de vous. Le sens de volume de respiration, de longueur de le bras, les deux bras, les longueurs de les deux jambes. Et de laisser ça et de rouler sur un côté, se mettre debout. Et de vous arrive debout, juste prendre du moment debout, de sentir votre contact avec le sol, la manière que vous êtes sur les deux jambes, peut-être elle est très différente, peut-être pas, le sens de les épaules, la tête. Et de commencer de marcher un petit peu. Notez le mouvement des hanches et des épaules en marchant. Peut-être au début de marcher lentement, mais après d'essayer de trouver une manière de marcher dans une vitesse qui vous permet d'avoir un mouvement plus proche de la quotidienne de l'épaule et des hanches. Peut-être vous notez quelque chose de différent que si vous marchez très lentement. Vous pouvez accélérer doucement, hein, c'est pas pour. Pas besoin d'accélérer tout de suite. Et pour la leçon aujourd'hui, on va finir avec ça, avec cette petite curiosité des cercles et tout ça. Et aussi. Un sens peut-être qui est très asymétrique dans les deux côtés. On avait travaillé vraiment sur un côté cette fois-ci. Et je finis cette leçon avec une recommandation, une sorte de devoir ou une exploration à faire. C'est de réécouter la même leçon demain, mais de faire sur les autres côtés. Ça veut dire que cette fois-ci, on était allongé sur le côté droit et on avait beaucoup mobilisé le côté gauche. Et le lendemain, juste inverser toutes les directions, allongé sur votre côté gauche et fait avec le côté droit. Mais avant de faire ça, de rester un petit moment avec le sens des effets de cette pratique asymétrique, parce que ça fait aussi une partie de la méthode importante, c'est de informer notre système de la différence entre les deux côtés. Et en fait, le cerveau va peut-être faire beaucoup de travail pour faire une sorte d'apprentissage, pour transférer un peu les vécus de le côté gauche à le côté droit. Donc peut-être ça va rééquilibrer assez vite. Peut-être le lendemain, tu vas sentir déjà que ça équilibre pas mal. Bon, c'est à vous de voir. Mais je recommande dans les journées qui suivent, de demain ou après-demain, de refaire la leçon sur les autres côtés. Et merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée ou matin, ça dépend à quelle heure vous écoutez ça. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.